mwana ndimaki kokaba bomoi na ye yesu krist mokangoli yesu krist mosiko yesu krist oyenge pene oya kotaka kati na bomoi na moto mpona kopesa bomoi mpona komema mbongo wana mpona kofungola nzela na nsima po ete moto akoma bisika esengeli ya koma yesu nzela mpe yesu solo mokangoli ezali yo ezali kolamba kombo nyonso ezali ya yo yesu kombo ezongisa lisusuliki ya kati na mitema na bato ezali yo yesu yo yaka na kopesa lisusu esengo bipai mama efandaki yesu yo yaka mpakotelemisa lisusu bai balembaki mpe bafandaki ekolo nanakoki kozala mpe kosala lokola yo nkolo tika ete esengo etondisama na mitema na biso po ete yo nde nkolo ongi yo nde mokonzi osengeli aleluya qui a été trouvé digne, le seul qui a été trouvé capable d'ouvrir le livre de vie. Aucun parmi les anges, aucune créature ne pouvait se lever si ce n'est celui qui était la parole et qui a revêtu la chair, qui pouvait être capable de se lever. Et voici, l'agneau de Dieu se levait du milieu du trône. Il s'est avancé, il a dit, me voici, ô Père, pour faire ta volonté. L'agneau de la rédemption, celui dont la vie a été payée en rançon pour que nous ayons la vie et la véritable vie. Jésus, la personne que Dieu cherchait n'a été trouvée qu'en Dieu. Parce qu'il était Dieu, rempli de splendeur et de pouvoir. Alléluia. Le seul, l'unique, le véritable.